Impliqué, je suis sérieux, présent dans chaque délit. On t'encule si tu payes pas tout dans les délais. Le bigo sonne, faut que je fasse une passe, rien à donner. Tu peux faire le show dans ta tête, on sait que t'as donné. Méchant, depuis tu peux, j'ai l'écran. J'ai liquidé des quêtes, j'ai jamais fait un trou. Du détail de temps en temps, ça t'envoie du gros. Y'a du pilon jaune, j'aime pas trop tout ce qui est gras. Un contact, tu peux disparaître de la ville. Bah, l'écoute des gens, on me demande pas ton avis. Tous les jours du cash, quantité, je suis dans la ville. Je les côtoie pas, ils sont bons qu'à sucer des billes. J'ai remis les gants, j'ai croisé 2-3 patrouilles. Demande où boucher, ça te coupe comment pour la fatigue. Pas besoin d'une guitare pour tous les épater. Dans des pensées noires, je peux venir te laisser au sol. Tu connais, ça fait ton plan pour de la monnaie. Aucun guetteur repasse à l'heure si c'est miné. La zone sous CR, je vois passer la CGT. Toujours excité, 24 heures pour cogiter. Le principe, c'est que je m'en sors. Y'a peu d'occasions, un casier bouche cousue, je fais comme d'habitude. J'ai rentré sa mère, je suis toujours en location. Quand je détaille ses nets, les cryptos, l'habitude. Des descentes de keufs à midi dans la cité. Le petit personne l'a incité, il prend sa paye, sa part en mode incognito. S'il part, c'est moi qui vais le niquer. En ce moment, c'est cru, tu sais que c'est nous les méchants. Quand je te parle, je suis cru, sinon je te sors le machin. Je fais une pas chargée, pas de bol, je recroise les méchants. Un peu éméché, je fais comme si j'étais agent. Posé dans la tête, j'ai toujours la mentale. Question parle d'ancien, je suis solo dans mon navire. Si je suis impliqué, c'est parce que c'est rentable. La plupart de mes potes, je les ai connus dans la ville. Je me rappelle des journées plans, ça faisait du cash. J'avais plus le couteau, je coffrais la hache dans la cape. T'es déjà rodable comme un Yankee devant la gare. Impliqué, mais j'ai pas regretté devant la barre. Les Yankees défilent, faut qu'on refasse les comptes. Qui t'en mettent les gants comme d'hab, on fait pas les cons. Y a de la frappe de temps en temps, mais toujours du bon. Passe à gauche et tu casses les couilles pour un divan. Moi, je suis debout, toujours. Malgré les soucis en solo dans le gamo, j'aime pas trop les gens. Genre au dépôt, j'ai dit, mais je calais, je prends du sur ces gens. Tout seul, ego, je vais pas taper des gens. Trou du cul, j'essaie de m'en sortir. Si je viens brouliquer devant toi, j'ai plus de sentiments. Trop refrain en tout, il veut s'en sortir. Y'a ton con qui coffre, toi, tu claques tout en continent. Galère, je te réponds. Début de l'année, jour, ça compte le soir. Détail la peste tous les jours. T'as pris du cash, mais bon, toi, t'as presque coulé. Mandat d'amener devant les caches, casse un demi-tour, un baissé sur le terrain. Là, depuis mineur, si je suis sur tes côtes, c'est pour venir t'éliminer. Je me rappelle des chasses, des flags, des délimineurs. Moi, je sais pas mon pote, sauf si ça vient trop miner. On connaît la sensation, je reviens dans tes impliqués, j'ai fait l'action. Brouliquer des tentations, ils sont pas chauds, ils sont remplis de fer.